Yeah. Oh, Thank you. sais, tu peux. Donc savoir, fais le pourboire. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savais-tu? Sais-tu que le mot démocratie n'est là que pour que les gars qui voudraient se lever demeurent assis? Le sais-tu? C'est tout ça, démocratie, c'est juste comme ça qu'ils appellent ça. Crois-moi, sais-tu que le vote est de l'ordre de l'aristocratie, qu'ici aussi on scie du MIC? Sais-tu que si le hip-hop est mort un peu, sais-tu que c'est le jour de départ? Sais-tu, j'espère que tu reviendras bientôt. Le sais-tu, il faut entre quatre murs, j'espère qu'il t'écoute. Frisson dans le ceinture, j'en place une coupe pour tous ceux qui savent que c'est dur. Que l'amour et le partage commencent par la confiance. Tu es déjà goûté le calumet, tu es déjà entré en transe. Sais-tu que tout ne savent pas à l'école, que le cannabis est moins légal mais plus simple à l'apprendre? Sais-tu que le prix est la seule différence entre une cordeur et une pute de la peau? Je m'y colle, tout à coup la foule danse, joue la foule à foule, c'est positif. Les mots ont leur importance, c'est quoi qu'il arrive, je reste en permanence entre missiles et missiles. Je t'éclaire avec mes histoires et tout devient net. Mais c'est une arme de savoir, une pression sur la gâchette de ma pétoire. Et je te mets du plomb dans la tête. Le savoir, c'est le pouvoir. Si tu sais, tu peux. Donc savoir, c'est le pouvoir. L'espoir, ce n'est pas de croire, mais de savoir qu'un avenir moins noir peut exister. Ce système est limité, ni notre humanité chie sur notre dignité. Pour le quitter, je te laisse méditer sur le problème ou l'éviter. Et moi, je vais aller faire ce que je sais faire, des crimes prémédités, débiter des réunions, comme un excité. Derrière un micro magité, on compte moins des unités. Tu sais que c'est la vérité, y a pas de possibilité. Thank you. fesses t'éteins. Dormez-toi à hiberner et dis-toi qu'il est moins le printemps. Trop tard, tu l'entends, tu rentres dedans. Tu voulais passer dans ta chambre, tu dormiras sur le divan. Car ce son est trop divin, en roupant dans ton duvet. Tu l'écoutes au soleil et tu fais une eau des duvets. Hier soir tu buvais, tu commences à décuver. Allume ta chaîne, ça fait du bien, c'est prouvé. Et du son qui détend dedans. Convertirai tout ce qui t'aime, tout ce que t'as dupé, parasité comme une telle, trompé, trompé, jusqu'à ce que leur raison s'éteigne. Que ça se passe comme ça, ben nique-toi, c'est foutu, nique-toi. Que l'humain est mauvais, ben nique-toi. Tout ça est faux, on peut changer si on y croit, mais faut pas tout le monde pour bouger. Et tu paniques toi, alors active-toi, allume, sois créatif, c'est toi du petit poids, caché sous tes chiffres, clashé sous tes chiffres, cassé pour les tripes, ça t'excite ou quoi, exprime-toi. Mais apprends à jouer pour les troupes, sérieux, on restera notre propre bouquet. C'est sûr, avant de capter qu'on est tous des êtres. Je me sens ni français, ni blanc, ni rien, pas sûr. Y'a même des fois où je ne sens pas vraiment rien. On restera notre propre bouc émissaire. C'est sûr, avant de capter qu'on est tous des êtres humains. Tous dans la même merde et on se chie dessus. Communauté, égale, dénommée commun. Yeah.